À l'ombre de tes ailes, je me sens rassuré. Je ressens ta tendresse et je suis apaisé. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie, le soutien de ma vie. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie. Jésus, tu es ma vie. Recouvert de tes plumes, rien ne peut m'arriver. Je sens battre ton cœur et je me sais aimé. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie, le soutien de ma vie. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie. Jésus, tu es ma vie. À l'ombre de tes ailes, je me sens protégé. Je n'ai plus rien à craindre, tu me donnes ta paix. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie, le soutien de ma vie. Tu es mon refuge, oui, mon plus sûr abri, le sujet de ma joie. Jésus, tu es ma vie. Jésus, tu es ma vie. Jésus, tu es ma vie.